Merci Jésus. Asante Yesu. Nous bénissons ton nom. Tunabariki jina lako. Merci Seigneur. Asante Bwana. Maneno ya kinywa changu, mawazo ya moyo wangu, ipate kibali mbele zako. E Bwana, mokozi wangu, maneno, maneno ya kinywa changu, mawazo, mawazo ya moyo wangu, yapate, yapate kibali mbele zako. E Bwana, e Bwana, mokozi wangu, hisia ya moyo wangu, ndani wa moyo wangu, upate kibali mbele zako. E Bwana, mwokozi wangu, Bwana mwokozi wangu, maneno, mawazo, mawazo ya moyo wangu, yapate, yapate kimbele zako. E Bwana mwokozi wangu, yu hai. Après-midi, trouve gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Offrons à Dieu une bonne acclamation. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as bien fait de venir. Ambia naye kwa pembeni yako umefanya vizuri kuja mangaribia leo. Tu ne seras pas déçu. Na umwambie hautadanganyika hata kidogo. Hallelujah. Amen. J'aimerais que vous puissiez m'aider à remercier le Seigneur. Ningependa msaidie kumshukuru Bwana. Pour ce qu'il a fait. Kwa yote aliyoifanya. Hallelujah. Amen. J'ai deux grands témoignages que je voulais que nous puissions remercier le Seigneur ensemble. Le premier témoignage, c'est pour un bien-aimé qui traversait le décalage et qui était au point de se suicider. Il était dans ce séminaire. Il a même acheté un lot de comprimés. Et en cours de route, na il njiani, a rencontré l'ange qui a pris ça de sa poche. Akakutana malaika aliyechukua toka mfuko wake. Il a jeté ça. Na kaitupa. Quand on a parlé de décalage, tulipokuwa tunazungumzia il a utofauti, alielewa ya kwamba que le problème ne signifie pas que Dieu n'est pas avec nous. Shida hayamaanisha ya kwamba Mungu si pamoja nasi. Dieu l'a sauvé du suicide. Mungu alimwokoa toka kujiua. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je, tunaweza kumshangilia Bwana. Le deuxième témoignage. Ushuhuda wa pili. J'avais un mot de tête la journée. Nilikuwa nikiumwa kichwa mchana. Et pendant que je prenais le je venais maintenant ici vers 15h. Na nilipokuwa nikikuja pasa 9. J'ai reçu une bonne nouvelle qui m'a guéri. Nilipata habari njema ambayo iliniponya. Et je crois ce soir Dieu il va nous guérir tous. Moi il a commencé par. Na naamini mangaribia leo Mungu atatuponya sote maana Mungu ameanzia kwangu. C'est depuis 2016. Nitangu mwaka 2016. C'était janvier 2016. Mwezi wa kwanza 2016. J'ai rencontré une femme. Nilimkuta mwanamke. À l'époque elle avait je crois 48 ans. Siku hizo alikuwa na miaka 48. Elle m'avait donné la requête de prier pour son mariage. Na kanipatia ombi niombee ndoa yake. C'est quelque part dans une église j'étais allé prêcher là-bas. Ilikuwa nafasi fulani ndani ya kanisa nilipoenda hubiri. Et je vais me confesser parce que quand elle me donnait la requête, je priais mais Na nitakiri sababu aliponipatia ile ombi nilikuwa nikiomba lakini 48 ans. Miaka 48. Elle était encore vierge ou elle est encore vierge. Lakini alikuwa angali bikira. Et aujourd'hui, elle m'envoie les photos de mariage. C'est ce qui m'a guéri. Alléluia. Oh, j'ai vu les photos. Si vous voulez voir, vous pouvez venir après le culte. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour ça ensemble. Aidez-moi à remercier le Seigneur pour ça. Et j'aimerais que tu dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est capable. Prends sa main et insiste. Tu dis, mon frère, Dieu est capable. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité ni par l'usure de notre corps. Il n'est pas limité même par les doutes de notre pasteur. Même quand un pasteur doute, Dieu est au-delà du doute de son serviteur. Même quand le prophète ne croit pas lui-même, Dieu, il est grand. Le Dieu que tu pries dans ces tournants, il est le Dieu qui ne subit pas la pression du temps. Il est le Dieu qui ne subit pas la pression de l'usure de notre corps. Notre papa disait la fois passée que même le cadavre peut produire le miracle. Amen. Bon, continuons. Nous parlons des sept batailles. Les sept batailles que nous devons vaincre en tant que les hommes et les femmes appelés à la réussite. Je comprends que cette réussite elle est générationnelle. Nous devons laisser à nos enfants l'héritage de nos victoires. Et pour que cela soit possible, nous devons vaincre les sept batailles. Nous savons que déjà nous sommes dans la promesse. Là, pendant ces 36 jours, nous sommes auprès des eaux. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur, qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, il est comme un arbre planté près de courant, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrisse point. Nous sommes ces arbres-là qui sont à côté des eaux. Ces eaux, c'est la prière, c'est la parole, c'est la bonne parole, c'est l'alliance dans laquelle nous nous retrouvons. Et nous allons donner notre fruit au bon moment. Et tout ce que nous faisons, nous devons réussir. C'est notre promesse. Mais nous ne voulons pas réussir seulement dans notre temps. Nous voulons réussir de manière générationnelle. Nous ne voulons pas réussir de manière ponctuelle. Mais nous voulons réussir de manière continue. Nous ne voulons pas réussir de manière individuelle. Mais nous voulons avoir un impact dans notre génération. C'est pourquoi Dieu dit, quand il prophétise sur l'homme de Joseph, il dit, Joseph, c'est le rejeton d'un arbre fertile. Il dit, ce rejeton s'étend au-delà de la muraille. Nous ne croyons pas à des bénédictions qui sont limitées à nous-mêmes. Nous croyons aux bénédictions qui sont débordantes. David dit, Daudi anasema, il ouinduit ma coupe et ma tête déborde. Je prie que le Dieu du débordement te rencontre pendant cette prière. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui est bon à toi ressorte et impacte ta génération. Que tes voisins reconnaissent tout ce qui est meilleur en toi. Que les pays voisins reconnaissent tout ce qui est meilleur dans le Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour arriver à ça, il faut vaincre la bataille des divinités. Vita vya miungu. Ça consiste à deux choses. Ni mambo mawili. Faire tout ufanye pour yote que le règne de Dieu s'installe. Ili utawala wa Mungu uje tena upya. Deux. Ya pili. Faire tout ufanye yote pour ne pas consommer la gloire de Dieu. Ili usiweze kutumia utukufu wa la Mungu. Deuxième bataille. Na vita vya pili. La bataille de la transition. Ni vita vya mpito. Il y a des moments kuna wakati où Dieu va nous demander d'aller vers la faiblesse. Twende ndani ya uzaifu. De quitter le domaine de recevoir pour aller vers le domaine du donner. Tutoke mahali ambapo tunapokea, twende mahali ambapo tutapana. De quitter notre sécurité pour aller dans la sécurité de tutoke Dieu. Mahali ambapo tunakingwa, twende ndani ya usalama mdogo wa Mungu. Et quand nous sommes dans cette période-là, tunapokuwa ndani ya wakati huo, devons continuer à obéir à Dieu. Tunapaswa endelea kumtii. Le décalage. Utofauti. Il faut réussir. Inaomba kufanikiwa. Quand tout semble noir, wakati yote naonekana kama nyeusi, tu as la promesse una ahadi, et la réalité semble contradictoire. Na huu kweli unaonekana kama ni kitofauti na hali. Tu pries beaucoup, unaomba sana, et les résultats sont contraires. Na matokeo unaonekana kama ni kinyume. Tu sèmes le bien, tu récoltes le mal. Unapanda mema na unavuna mabaya. Il faut savoir tenir. Inaomba ujue kushikilia. Parce que c'est ce qui te prépare au feu. Sababu hii inakutayarisha kwa moto. Et ça, je crois on a compris. Na naelewa hii tulielewa vizuri. Le quatrième combat, on a parlé des combats des autels. Vita vya nne tulizungumzia vita vya madhabahu. Et vous comprenez que quand nous sommes en train de prier pendant 30 jours, c'est un autel que nous élevons. Ni madhabahu tunayoijenga. Mais les sorciers font la même chose. Lakini wachawi wanafanya jambo ile. Notre autel doit être supérieur à leur autel. Madhabahu yetu inapaswa kuwa juu ya madhabahu yao. Et gloire à Dieu parce que l'autel que Jésus a élevé est parfait. Utukufu kwa Mungu sababu madhabahu ambayo Yesu Kristo alijenga ni madhabahu kamili. Mais le deuxième niveau de ce combat là, lakini ngazi ya pili ya vita hivyo, c'est le niveau du prix à payer. Ni ngazi ya kulipa bei. J'ai dit l'hôtel reflète le prix à payer. Nilisema ya kwamba madhabahu inaonyesha bei ya kulipa. Nous devons travailler sur la perfection. Tunapaswa kutumika juu itukamilike. C'est un hôtel. Ni madhabahu. Nous devons payer le prix de notre succès. Tunapaswa lipa bei ya kufaulu kwetu. Dans la prière. Ndani ya maombi. Dans la transformation. Ndani ya mabadiliko. Bien-aimé, mpendwa, si Dieu t'appelle kama Mungu anakuita, à être responsable dans la nation, ukuwe mtu mkubwa ndani ya taifa, tu dois avoir des capacités. Unapaswa kuwa na uwezo. On doit le travailler. Unapaswa enda tumika. Travaillons. Tutumike. Ajoutons notre connaissance. Tuongeze ujuzi wetu. Perfectionnons notre discipline. Tukamilishe taratibu zetu. Soyons de plus en plus conscients. Tukuwe watu wenye dhamiri. Soumettons-nous aux principes naturels. Twende tukatii kanuni desturi za kawaida. C'est une autre forme d'hôtel que l'église est en train d'oublier. Ni ingine aina ya madhabahu ambao kanisa iko na sahau. Il ne suffit pas de prier. Haitoshi kuomba. Il faut aussi travailler certaines choses. Inaomba pia kutumika mambo fulani fulani. Alléluia. Amen. S'il faut lire des livres, lis. Kama inaomba kusoma vitabu, soma. S'il faut suivre les informations, suis. Kama ni kusikia habari, sikiliza. Celui qui est informé sera fort. Anayekuwa na habari atakuwa mwenye nguvu. Parfois nous demandons à Dieu des choses et nous ne travaillons pas dans le même sens. Mara tunaomba Mungu vitu lakini hatutumike ndani ya wazo kama na Mungu. Aujourd'hui je vais aborder le cinquième combat. Cinq ou six, sixième combat. Cinquième combat. Leo nitazungumzia vita vya tano. Je vais parler de la bataille de Jézabel. Nitazungumzia vita vya Yezebeli. Et il y a beaucoup de versets que je ne suis pas en train de donner. Je crois que vous pouvez les avoir dans le petit livret. Kuna shaili nyingi ambazo sipane lakini mnaweza kuzikuta ndani ya vitabu. Nous sommes une église qui a la grâce d'avoir les intellectuels. Sababu tuna ile bahati ya kuwa na kanisa ambao inakuwa na watu ambao walisoma. Et si nous voulons être grands, nous ne pouvons pas être grands sans lire. Na kama tunapenda tuwe wakubwa tuweze kuwa wakubwa bila kusoma. C'est impossible. Haiwezekani. Un jour, je fouillais la bibliothèque de notre papa. J'étais en train de lui poser des questions sur des livres. Et il me dit, bon, tous ces livres, il m'a parlé simplement, il dit, bon, j'ai déjà lu l'essentiel de ces livres. Combien de livres? Le pasteur Roland Dalo disait ici, Roland Dalo qu'il lit 4 livres chaque mois. Ya kwamba anasoma vitabu ine kila mwezi. Ça c'est en dehors de sa lecture de la Bible. Hii ni nje ya usomi wake wa Biblia. De la préparation de prédication. Na matayarisho ya mahubiri. Notre patriarche Vernon, Jacques André Vernon, le feu Jacques André Vernon. Babu wetu Jacques André Vernon. Parmi les dernières prédications, il parlait d'avoir lu la Bible 52 fois. Ndani ya mahubiri yake ya mwisho alisema kwamba alisoma Biblia mara 52. Sans compter les livres. Bila kuhesabu vitabu. Sans compter les écrits qu'il était en train de faire. Bila kuhesabu maandishi aliyokuwa akifanya. C'est la même chose dans le monde séculier. Ni jambo ile ile ndani ya ulimwengu wa kawaida. Je vous ai donné hier l'exemple du plus grand homme. Niliwapatia jana mfano wa parmi les hommes riches du monde. Miongoni mwa watu tajiri ulimwenguni. Qui sont censés être trop pris. Ambao wanaonekana kama wana jukumu nyingi. Bill Gates. Il lit 200 livres l'année. Anasoma vitabu 200 kila mwaka. Et il gère autant des entreprises dans le monde entier. Na anaongoza makampuni nyingi ulimwenguni nzima. Il y a un temps où on doit travailler sur l'intelligence. Kuna wakati ambao tunapaswa kutumika ndani ya akili yetu. Dieu ne va pas élever des gens qui vont être des catastrophes dans la nation. Mungu atainua watu ambao watakuwa hatari ndani ya taifa. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas une catastrophe. Ambia naye kwa pembeni yako usikue hatari. Si Dieu t'élève, il faut pas que vous voyez il y a c'est comme vous êtes conduit dans une voiture avec un chauffeur apprenti. Ni kama vile unaongozwa na dereva ambaye anaongoza. Vous êtes en train de faire le frais quoi. Unaona anakuwa akisikilia na simama. Il ne faut pas faire que Dieu soit dans cette position. C'est-à-dire qu'il t'élève, il dit, est-ce qu'il ne va pas commettre des crimes? C'est pourquoi il faut accepter l'école de Dieu. Inaomba ukubali masomo ya Mungu. On peut prophétiser. Unaweza kutabiri. On peut faire des centaines de jours dans la prière. Unaweza kufanya siku hata 100 ndani ya maombi. Mais la grande grâce de Dieu lakini neema kubwa ya Mungu est déclenchée inasababishwa par la petite et méprisable responsabilité de l'homme. Kupitia ile jukumu ndogo ya mwanadamu. La petite portion que tu fais, c'est la clé de la grandeur de choses que Dieu fait. Ile sehemu ndogo ya jukumu unayofanya ni funguo ya mambo makubwa ambayo Mungu anayafanya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament. Ndio maana Paulo aliandika sehemu kubwa nusu ya Agano Jipya. Il avait une discipline scientifique. Alikuwa na taratibu ya kisiasa. Il pouvait écrire. Angepaswa kuandika. Dieu n'a jamais négligé les dons naturels. Mungu hajadharau hizi karama za kisiasa. C'est parmi les combats de notre génération. On a l'impression que plus on est spirituel, on a plus besoin de talents. Mais voyez Jésus. Il dit à Pierre, je vais faire de toi pêcheur de poissons. Et je vais faire de toi pêcheur d'hommes, merci. Laisse le poisson. Et il va avec lui. Des mois, peut-être des années. Et tout à coup, on les attrape pour payer l'impôt. Et il dit à Pierre, tu te rappelles comment tu pêchais? Il dit oui. Il dit bon, vas-y. Le premier poisson, tu vas le... Samaki ya kwanza. Si j'étais Pierre, je pouvais dire, mais tu m'as interdit ces choses. Petro, ninge nikataza mambo haya. Il dit non. Akasema, ici, je n'ai pas besoin d'utiliser le surnaturel. Hapa sina haja ya mais mutisa. Je vais cacher le miracle dans le talent. Lakini nitaficha mutisa ndani je vais mettre l'argent dans un poisson. Nitaweka pesa ndani ya ou alors je vais amener le poisson qui a déjà avalé l'argent. Ama nitaleta ile samaki ambayo mesa mais le point de contact. Lakini kukutana. Ça sera le talent. Itakuwa kupitia ile karama. Tu vas utiliser ta connaissance naturelle. Utatumia ujuzi wako wa kawaida. Et il y a beaucoup de gens wengi, qui ont la promesse de réussir, na hadi ya mais qui sont restés sur des montagnes de prière, des montagnes de prophétie, et rien ne va se passer. Na kuna pourquoi? Sababu parce gani? Que Dieu veut qu'ils descendent de la montagne, sababu Mungu anapenda wasuke toka mlima. Qu'ils vivent naturellement. Waisi kawaida. Il y a des gens qui vont être puissants, kuna watu watakuwa na nguvu. De manière progressive. Kwa hatua. Il conçoit un projet. Wana un... le projet s'accroît. Wana unda mradi na ule mradi il va gagner de marché. Na kisa atapata pesa. Il va avoir des bailleurs. Na atakuwa na parce wanao msupport. Il écrit de manière convaincante. Sababu anaandika kwa kuitikisa watu. Il parle de manière convaincante. Anaongea kwa kuitikisa watu. Il est discipliné. Anakuwa na taratibu. Il essaie de travailler sur lui-même. Anatumika tu yake yeye mwenyewe. Tout ce que nous attendons de Dieu ne sera pas de miracle. Yote tunayongoja kwa Mungu haitakuwa tu miujiza. Vous savez, il y a la différence entre le miracle et le prodige. Mnajua ya kwamba kuna utofauti kati ya muujiza na ishara. Et Dieu utilise beaucoup le prodige. Na Mungu anatumia sana ishara. Le prodige, c'est le concours des temps et des circonstances. Ishara inakuwa ni mitumikio ya wakati na majira. Dieu vous amène par ses voies à aller contacter la réponse. Ni kusema Mungu anakupitia kwa njia zote ili uende ukakutane na jibu. Il y a peu de choses qu'on peut expliquer et un peu de la main de Dieu. Kuna mambo ambayo naweza kufasiria na kuna mkono wa Mungu. Et il y a des choses que vous n'avez pas l'explication. Na kuna mambo ambayo hauna mafasirio juu yake. C'est le miracle. Na hii ndio muujiza. Alors donnons à Dieu toute la largeur de faire ce qu'il a promis. Tumpatie Mungu upana wa kufanya yote aliyoahidi. Nous devons réussir. Tunapaswa kufanikiwa. Quelqu'un attend notre victoire. Mtu anasubiria ushindi wetu. Unaweza angalia jamaa yako. Consider combien de gens souffrent. Angalia watu ngapi wanateseka. Regarde la société dans laquelle tu travailles. Angalia jamii ambayo ndani yako unatumikia. Consider l'état des gens. Angalia hali ya watu. Regarde le pays. Angalia nchi. Chacun de nous a un rôle à jouer. Kila mmoja wetu ana kazi ya kufanya. Aujourd'hui, nous blâmons le gouvernement. Leo tuna watusi serikali. Tout celui qui n'a pas mangé, c'est le gouvernement. Yeyote ambaye alilala njaa ni serikali. Mais entre-temps, dans nos parcelles, il y a les légumes qui peuvent pousser. Est-ce que c'est vraiment le gouvernement qui a interdit? Kuna mboga ambayo naweza kuota. Je, ni serikali ambayo ilikataza hiyo? Que même les herbes ne poussent pas dans nos parcelles. Ya kwamba hata majani yasiote ndani ya viwanja vyetu. Voyez-vous? On a toujours quelqu'un qui cause que nous ne puissions pas être meilleurs. Kuna tu mtu ambaye anasababisha tusikue watu bora. C'est compliqué. Ni hatari. Alléluia. Amen. On doit vaincre. Tunapaswa kushinda. Et pour vaincre, na ili ushinde, on doit avoir les principes. Tunapaswa kuwa na kanuni. Alors, la bataille que nous voulons développer cette soirée. Vita ambayo tunatafuta kuongelea mangaribia leo. C'est une bataille importante. Ni vita vya maana sana. La bataille de Jézabel. Vita vya Yezebeli. J'ai cherché un autre terme mais je n'ai pas trouvé mieux que ça. Nilitafuta neno lingine sikupata nzuri kama hii. Mais c'est une bataille que vous devez remporter absolument. Lakini ni vita ambayo sharti uvishinde. Pour jouir pleinement de votre victoire. Ili uishi kwa utele ushindi wako. À d'autres termes. Kwa maneno mengine. Vous pouvez avoir des victoires dans la vie. Unaweza kuwa na ushindi ndani ya maisha. Mais vous ne jouissez pas de ces victoires. Lakini haufaidie ushindi huu. C'est une chose d'avoir une victoire. Ni jambo moja kuwa na ushindi. C'est une autre chose de jouir de cette victoire. Lakini ni jambo lingine kufaidia ile ushindi. Alléluia. Amen. C'est une chose d'être intelligent. Ni jambo moja kuwa na akili. C'est une autre chose de profiter de son intelligence. Ni jambo lingine kufaidia akili yako. C'est là que l'homme de Salomon est en train de dire. Hapo ndipo Salomon anasema. J'ai réalisé une chose sur la terre. Niona jambo moja au duniani. Que la course ya kwamba kukimbia n'est pas gagnée par ceux qui sont plus souples. Haishindwi na wale ambao wanakuwa na mbio. La vie n'est pas gagnée par ceux qui sont intelligents. Maisha haipatikani na wale ambao wanakuwa wenye akili. Ce ne sont pas ceux qui sont intelligents qui sont en train d'avoir leur pain à manger. Wale wenye akili ndio wanapata chakula chao. Mais tout dépend. Lakini yote inahusika. De temps et de na wakati na majira. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous sommes dans ce moment de prière parce que nous voulons que les hommes et les femmes qui ont crié au Seigneur et qui ont donné leur vie au Seigneur puissent jouir des promesses de Dieu. Nous avons autant de promesses dans la Bible au point que ces promesses deviennent de frustration. On se dit, mais la Bible dit ceci. Mais nous vivons le contraire. Parce qu'il y a des principes que nous devons observer. Nous devons jouir. Si Dieu dit qu'il guérit, alors vivons la guérison. Si Dieu dit qu'il pardonne, jouissons du pardon. Combien d'hommes et de femmes, ils ont 10 ans dans le Seigneur, 5 ans dans le Seigneur, mais ils sont sous la culpabilité. Ils sont dans la peur. Il suffit que les rats passent de gauche à droite dans la maison. Et c'est le combat spirituel qui commence. On ne peut plus manger. Même les haricots qu'on a préparés, il faut une séance de délivrance. Dans le nom de Jésus, je vous délivre des esprits de la terre de Massisi. Les démons là, ils se disent, mais est-ce que apparemment c'est nous qui les multiplions même. Parce que nous ne savons pas jouir même des avantages de la croix. Dieu nous protège sans nous. Depuis un temps, j'ai renoncé à des prières avant de dormir. Parce que je me suis rendu compte que je priais parce que j'avais peur des ténèbres. C'est bon de prier. Mais il ne faut pas prier parce que vous avez peur de la nuit. Il faut prier parce que vous avez terminé une saison et vous remerciez le Seigneur pour la saison suivante. La Bible n'a pas dit délivrer la nourriture. La Bible dit manger avec action de grâce. Dieu n'est pas puissant quand notre voix est grande. Dieu, il est puissant par sa parole. Quand je dis merci Seigneur, le même merci a une grande puissance que quand je dis au nom de Jésus. Quand je dis Seigneur, merci. Quand je dis tu es grand, sa grandeur descend. Si je dis Seigneur merci pour cette nourriture, s'il y a le poison, quand je dis merci Seigneur, moi je ne vois pas. C'est-à-dire je suis en train de dire Seigneur merci d'accepter que le poison me pénètre. Et là il change la donne sans que je sois là. Parce qu'il comprend que je suis en train de le remercier. Dis à celui qui est à côté de toi, exploite la puissance de l'adoration. Alléluia. Amen. Nous devons jouir des promesses de Dieu. Et ce combat va nous aider. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 19 et 4. Lisons. Mfalme Ahabu alimwelezea mke wake Yezebeli mambo yote Eliya aliyofanya na jinsi alivyowaua manabii wa Baali kwa upanga. Yezebeli akatuma mjumbe kwa Eliya amwambie, "Miungu waniue, nina kuwapia kama kesho nisipokuua kwa wakati kama na huu sawa vile ulivyowaua wale manabii." Eliya akakimbilia katika mji wa Beriseba katika jimbo la Yuda, kule alikomuacha mtumishi wake, naye akatembea mwendo wa siku nzima kuingia katika jangwa. Basi akafika akaikaa chini ya mti mmoja wa mretemu, halafu akaomba apate kufa akisema, "Inatosha, siwezi tena. Ee Yawe, sasa utoe uzima wangu, mimi si bora kuliko babu zangu." Amina. Amen. Deuxième texte. Andiko la pili. Apocalypse. Ufunuo chapitre 2 le verset 20. Sura mbili, shaili lake la 20. Okay. Tusome kwa jina la Yesu. Amen. Lakini niko na neno hili juu yako. Unamvumilia yule mwanamke Yezebeli, anayejiita kuwa nabii wa Mungu. Yeye amewapotosha watumishi wangu, akiwafundisha kufanya waserati na kula nyama za kutambikia sanamu za miungu. Amina. Amen. Le combat de Jezabel. Vita vya Yezebeli. Jezabel. Yezebeli. Nous concerne. Anatuhusu. Que je sois politicien. Nikuwe mwanasiasa. Que je sois enseignant. Nikuwe mwalimu. Que je sois parent. Nikuwe mzazi. Que je sois enfant. Nikuwe mtoto. Que je sois pasteur. Nikuwe mchungaji. Dans tous les domaines de la vie. Ndani ya kila uwanja wa maisha. Vous allez rencontrer Jezabel. Utamkuta Yezebeli. Et si vous avez été appelé par Dieu. Na kama uliitwa na Mungu. Vous allez faire face à Jezabel. Utakuwa mbele ya Yezebeli. Que vous soyez Akab. Ukuwe Ahabu. L'homme appelé à être roi. Ule mtu aliyeitwa kuwa mfalme. Vous allez rencontrer Akab. Utamkuta Yezebel. Que vous soyez Elie. Ukuwe Elia. Qui doit tuer les prophètes de Baal. Ambao unapaswa kuwaua manabii wa Baal. Vous rencontrerez Jezabel sur votre chemin. Utamkuta Yezebel kwenye njia yako. Que vous soyez Jean-Baptiste. Ukuwe Yohana Mbatizaji. Qui doit continuer la mission. Ambao unapaswa kuendeleza na kazi. De Elie. Ya Elia. Vous allez rencontrer Jezabel. Utamkuta Yezebel. Que vous soyez fils des prophètes. Ukuwe mwana wa nabii. Quand Jezabel ne sait pas atteindre Elie, il Wakati va vous tuer. Hamfikie Elia, atakushambulia wewe. Que vous soyez Israël. Ukuwe Israeli. Vous allez rencontrer Jezabel. Utamkuta Yezebel. Jezabel est présent. Yezabel iko. Dans toute la vie de l'homme. Ndani ya maisha ya kila mmoja. Dans le mariage. Ndani ya ndoa. Dans l'église. Ndani ya kanisa. Dans la nation. Ndani ya taifa. Dans la famille. Ndani ya jamaa. Dans les sociétés. Ndani ya majamii. Même dans l'université. Hata ndani ya chuo kikuu. Nous rencontrons Jezabel. Jezabel. Jezebel. Nous devons le vaincre. Tunapaswa kumshinda. À quoi consiste la bataille de Jezabel? Inahusu nini hii vita? Qu'est-ce que ça signifie le combat de Jezabel? Vita vya Yezebel. Je vais donner 7 significations de ce combat. Nitatoa mafasirio 7 juu ya hii vita vya Yezebel. 7 aspects de combat de Jezabel. Viwango 7 vya vita vya Yezebel. Premièrement, ya kwanza, faire le combat contre Jezabel. Kufanya vita mbele ya Yezebel. Et remporter ce combat veut dire vaincre l'influence maléfique. Na kushinda hiyo vita inamaanisha kushinda ushawishi mbaya. Tout celui qui a la promesse de Dieu. Yeyote anayekuwa na ahadi ya Mungu. Rencontrera sur son chemin. Atakuta kwenye njia yake. Ce qu'on appelle influence. Wanayoiita ushawishi. Dis avec moi influence. Sema pamoja nami ushawishi. Nos enfants veulent nous influencer. Wetu, wanapenda watushawishi. Vrai ou faux? Kweli ama uongo? Ta femme ou ton mari cherchera à t'influencer. Mume wako ama mke wako atatafuta kushawishi. Les publicités qui sont là, c'est pour nous influencer. Matangazo yanayokuwa huko ni kwa kutushawishi. Combien de gens ont acheté des habits qui n'étaient pas prévus? Watu ngapi walinunua mavazi ambayo hayakutayarishwa? Savez-vous que l'influence peut détruire votre promesse? Je mnajua kwamba ushawishi unaweza kuharibu ahadi yako? Combien de gens sont allés dans des mariages qui n'étaient pas leur mariage par influence? Watu ngapi walingia ndani ya ndoa zisizo zao kupitia ushawishi? Et ils ont raté leur vrai mariage. Na wakapoteza ndoa yao ya kweli. L'influence. Ushawishi. Combien de gens ont chassé de vrais amis? Watu ngapi waliwafukuza marafiki wa kweli? Parce qu'ils ont été influencés. Sababu walishawishiwa. Combien de gens ont investi dans des domaines de pertes? Watu ngapi waliwekeza ndani ya kupoteza? Parce qu'ils ont été influencés. Sababu walishawishiwa. L'influence, c'est une partie de Jezabel. Ushawishi ni sehemu ya Yezebel. Dans la bataille contre Jezabel. Ndani ya vita tukipiganisha Yezebel. Nous voyons l'esprit de l'influence. Tunaona hii roho ya ushawishi. Nous voyons la réalité de l'influence. Tunaona ukweli wa ushawishi. Et nous voulons dire. Na tunapenda tuseme. Tout celui qui a la promesse de Dieu. Yeyote anayekuwa na ahadi ya Mungu. Doit faire attention. Anapaswa kufanya angalisho. Pour être influencé par Dieu. Ili ashawishiwe na Mungu. Pour être influencé par le bien. Ili ashawishiwe na mema. Pour être influencé par la pensée de Dieu. Ili ashawishiwe na wazo la Mungu. L'apôtre Paul. Mtume Paulo. S'adressa à l'église de Galate. Il dit ceci. Anasema hivi. Oh, homme de Galate. Enyi wa Galatia. Qui vous a influencé? Nani aliyewashawishi? Qui vous a ensorcelé? Nani aliyewaloga? Vous couriez bien. Mlikuwa mnatembea vizuri. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini L'apôtre Paul Paul voit anaona. Que pendant que cette église évolue, ya kwamba kanisa il y a eu une influence étrangère qui a affecté l'enseignement, ambao ulipambana na mafundisho, qui a affecté leur marche, ambao iligusa mwendo wao. Et les choses ont changé. Na mambo ya kabadili. Vous pouvez regarder votre femme, unaweza kuangalia mke wako. Vous pouvez regarder votre ami, unaweza kuangalia rafiki yako. Vous pouvez regarder votre chef, unaweza kuangalia mkubwa wako. Depuis un temps, tangu siku moja, il fréquente tel ou tel. Anaza kuendea fulani ama et il est influencé. Na amesawishiwa. Et vous sentez le changement na unasikia mabadiliko dans son comportement, ndani ya mwenendo wake, dans son langage, ndani ya masemi yake. Bien-aimé, mpendwa, nous avons besoin tunahitaji de vaincre tushinde la mauvaise influence. Mashawishi mbaya. Deuxième aspect de ce combat, hali ya pili ya vita hivi, c'est l'infiltration. Ni kujipenyeza. Le diable adui shetani cherche à s'infiltrer. Anatafuta kujipenyeza. Dans votre mariage, le diable cherchera à s'infiltrer. Il va introduire des éléments étrangers. Ataingiza mambo ya kigeni. Jézabel, elle avait une grande influence sur son mari Akab. Jusqu'à le dévier de la volonté de Dieu. Mais vous allez comprendre que Jézabel n'était pas seulement une simple femme. C'était une filtrée du monde des ténèbres. Une filtrée du monde des ténèbres. Parce qu'elle tire ses origines de Nimrod. Anatokea kwa Nimrod. Depuis la tour de Babel, c'est là qu'on trouve les origines de cette femme. Ya mnara wa Babel, ni hapo ndipo wanakuta mwanzo wa huyu mwanamke. Le combat de Jezabel, vita vya Yezebeli, c'est un combat d'infiltration. Ni vita vya kujipenyeza. Nous devons faire tout tunapaswa kufanya yote pour que l'église arche ili kanisa la ne soit arche pas infiltrée. Lisikuwe limepenyezewa. Que les démons qui viendront, mapepo watakaofika, que les sorciers qui viendront, wachao watakaofika, combattent sur le bas. Wande wakapigane kwenye viti. Parce que Dieu a dit, sababu Mungu alisema, le sel livré et le blé mwache magugu na ngano croître ensemble. Vikomae pamoja. Si tu es dans la sorcellerie, kama uko ndani ya uchawi, nous te disons bienvenue. Tunakuambia karibu. Et nous t'aimons. Na tunakupenda. Parce que c'est un problème de connaissance. Sababu ni shida tu ya ujuzi. Quand la lumière de Dieu va venir dans wakati ta vie, mwangaza wa Mungu utakuja maishani mwako, tu seras délivré. Utafunguliwa. Ce n'est pas ta faute. Sio shida lako. Mais lakini il faut pas que tu arrives jusqu'ici. Ayombo ufike mpaka hapa kwa madhabahu. Tu restes là. Baki huko. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as compris. Ambia na yekwa pembeni ya kuomelewa. Alléluia. Amina. L'infiltration kujipenyeza va arriver dans nos mariages. Inaweza kufika ndani ya ndoa zetu. Dans nos familles. Ndani ya jamaa zetu. Quand vous avez une promesse, wakati una ahadi, le diable connaît la promesse. Adu shetani anajua ahadi. Il peut envoyer des agents. Na naweza kutuma watumishi. Vous vous aimez dans le mariage. Unapendana ndani ya ndoa. C'est l'amour. Ni upendo. C'est des mêmes habits. Ni mavazi yale yale. C'est les mêmes plans. Ni ile ile tusani. Le diable fait tout. Mungu anafanya yote pour vous amener quelqu'un que vous ne savez pas il vient d'où. Samani shetani anafanya yote ili awaletee mtu. Il y a des visiteurs qui sont des infiltrés. Kuna wageni ambao wanakuwa wamejipenyeza. Il y a des serviteurs, des servantes infiltrés. Kuna watumishi wajakazi ambao wamejipenyeza. Il est là agent de l'information du monde des ténèbres. Anakuwa mfanyakazi wa ulimwengu wa giza. Et tout à coup tout ce qui se passe dans la famille est connu au village. Na yote inayopitikana ndani ya jamii inajulikana kijijini. Et ça vous détruit. Na hii inakuharibu. Pour ceux qui iront très loin, kwa wale ambao watendea mbali, ils doivent faire des combats contre l'infiltration. Wanapaswa kufanya vita vya kupenyeza. Dans votre entreprise, ndani ya kampuni yenu, même si vous êtes dans le monde politique, dans votre parti politique, il y a des gens qui sont infiltrés pour vous fragiliser. Ceux qui iront loin avec Dieu doivent inviter l'infiltration. C'est un combat quotidien. Vita ya kila siku. Troisième aspect. Na ya tatu, c'est l'usurpation du pouvoir. Ni unyang'anyi wa mamlaka. Jezabel, c'est une spécialiste. Yezebeli anakuwa mtaalamu. A jouer votre rôle sans vous dire que c'est elle qui joue le rôle. Akitumia kazi yako bila kukuambia kwamba ni yeye ndiye anafanya kazi. Depuis que les femmes d'Akab, tangu anakuwa mwanamke wa Ahabu, Akab n'est plus roi. Ahabu siye mfalme tena. Elle n'est pas assise sur le trône. Hakae kwenye kiti cha ufalme. Elle n'est pas dans le bureau. Haiko ndani ya ofisi. Mais c'est elle qui dirige la nation. Lakini ni yeye anayeongoza taifa. Ça c'est l'usurpation du pouvoir. Hii ni unyang'anyi wa mamlaka. C'est vrai dans les familles. Ni kweli ndani ya majamaa. Si tu es père. Kama wewe ni baba. Est-ce que c'est vrai tu es le papa de cette famille? Je kweli wewe ndiye baba wa jamaa hili. Si tu es la mère. Kama wewe ndio mama. Est-ce que tu es vraiment la mère? Je ni kweli wewe ndio mama. À chaque position que Dieu nous donne. Kwa kila chombo Mungu anatupa. Dans la société. Ndani ya jamii. Il est attaché à un pouvoir. Et la volonté de Dieu, c'est que chacun jouisse du pouvoir que Dieu lui donne. Jésus a dit ceci. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Église du Seigneur, nous avons la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la puissance de Dieu à ses lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà reçu Jésus? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir. D'abord, il y a le pouvoir de l'existence. Le fait que tu respires. Tu es puissant. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas tout ce peut-être que tu cherches. Tu es peut-être malade. Mais le fait que tu respires. La présence de la respiration. La présence du souffle de vie. C'est déjà un pouvoir. C'est pourquoi Ecclésiaste dit ceci. Vaut mieux un chien vivant que lion mort. Qu'importe ta petitesse, si tu respires, tu es puissant. Et la Bible déclare, il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Il y a de l'espérance pour toi qui m'écoutes. Il y a de l'espérance même si tu manques de tout. Le souffle de Dieu en toi, c'est tout. Si tu respires, acclame le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors chaque être, chaque chrétien est dompté d'un pouvoir et ne permet pas que ce pouvoir-là soit usurpé. Notre pouvoir sur les démons, nous devons l'exercer et jouir de ça. Notre pouvoir en tant que mère, nous devons jouir de ça. Notre pouvoir en tant que père, en tant que fils et fille, la femme a un pouvoir sur ses parents. Et il se sent à l'aise car il peut exercer ses pouvoirs. Même le bébé, il a un pouvoir. Quand il crie, il sait que mère doit réagir. Et il a besoin que ce pouvoir-là soit respecté. Jézabel, c'est l'esprit qui vient étouffer le pouvoir que Dieu t'a donné. Il y a des chants. Dieu a prévu que pendant qu'il chante, les malades soient guéris. Les gens ne sont pas guéris parce qu'il y a le prédicateur. Nulle part dans la Bible, Dieu n'a dit, ce sont les prédicateurs qui chassent les démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le protocole chasse les démons. C'est son pouvoir. Celui qui prend les images, il chasse les démons. C'est attaché à notre nature en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de jouir de ça? Lakini je tunatumia hiyo. Si tu es chef dans ton entreprise, kamba wewe ni msimamizi ndani ya kampuni, il y a un pouvoir attaché à ces postes. Kuna mamlaka ambayo inaambatana na cheo hicho. Et quand tu ne jouis pas de ça, na wakati hauishi, tu peux être sous l'influence de Jezabel. Unaweza kuwa umeshawishiwa na Yezebeli. Ne voyez pas Jezabel comme une femme. Msione Yezebeli kama mwanamke. L'esprit de Jezabel, roho ya Yezebeli, peut être dans une femme comme dans un homme. Inaweza kuwa ndani ya mwanaume. C'est au-delà du sexe. Inakuwa juu ya c'est un esprit. Roho. Avez-vous votre pouvoir? Je mnakuwa na mamlaka yenu. Hallelujah. Amen. En tant que femme, kama vile wanawake, femme de quelqu'un, mwanamke wa mtu, vous devez avoir le pouvoir de le séduire. Unapaswa kuwa na ile uwezo ya kumuitikisha. Votre mari doit vous voir toujours jeune. Mume wako anapaswa kuona ukiwa tu kijana kila siku. Même si le feu vous détruit le visage. Hata kama hii moto inakuharibu sura. En tant que son épouse, vous devez l'attirer. Kama vile mke wako unapaswa kumleta. Et si vous perdez ce pouvoir là, réclamez ça ce soir, c'est le combat dans lequel nous uwezo wa kumfuta unapaswa kuidai magharibi ya leo. Si vous êtes père de famille, kama wewe ni baba wa jamaa, et vous appelez les enfants, ils ne comprennent pas. Unaita watoto hawaelewi. Vous avez perdu votre pouvoir. Umepoteza mamlaka yako. Réclamez ce pouvoir. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux gens qui n'ont pas le pouvoir. Si vous ne savez pas avoir votre pouvoir, vous ne verrez pas Dieu. Hein? Il dit les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous êtes Mungu. Homme, mais vous vous comportez comme une femme. Vous ne voulez, pouvez pas voir Dieu. Prêchez avec moi, dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas toi. Si vous voyez un homme qui commence à dire hey, bonjour, ce sont des esprits, il faut les délivrer. Si vous voyez une femme qui dit bonjour, il faut la délivrer au nom de Jésus. Il y a des choses qui sont anormales. Il y a une puissance dans la nature que Dieu te donne. Même les enfants. Regardez bien les enfants. Si votre enfant se comporte afféminé qu'il est que garçon, il faut le prier. Parce que derrière ça, il y a un complexe. Est-ce que vous êtes fier de vous? Regardez celui qui est à côté de toi. Dis-lui ce que tu es fier de toi. La Bible dit tu es créé à l'image de Dieu. C'est très profond. Ta beauté ne dépend pas des phrases de ton professeur à l'école, ce qu'il disait. Ta valeur ne dépend pas même de ce que tes parents disent. Toi, tu es une décision de Dieu. Tu es un choix de Dieu. Et ce qu'il a fait de toi a une mission. Moi, j'ai eu à prier, je vais vous faire rire. Hein. J'ai eu à prier. J'ai déjà prié pour des gens qui avaient des maux des yeux, ils sont guéris. Jusqu'au jour où j'ai compris ça, je prie, j'impose mes mains à mes yeux souvent. Mais j'ai compris que j'ai rencontré des gens qui sont têtus. Et quand j'ai des lunettes comme ça, je regarde comme ça, ils se soumettent. Alléluia. Et je dis, ah, donc la lunette peut aussi jouer un rôle. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Nous sommes en train de monter petit à petit. Je suis en train de dire que ce que Dieu a fait de toi peut jouer un rôle. J'aimerais que quelqu'un dise, même ce qui paraît être une infirmité dans ma vie peut révéler la gloire de Dieu. J'ai rencontré une soeur, elle peut avoir 98 kilos. Elle a une grande taille à Butembo. Et à un moment donné, elle vendait au marché. Et elle est allée au dépôt pour aller récupérer les choses. Il y avait trois papas, mais qui prenaient un peu de kanyanga. Qui voulait la violer dans les dépôts. Elle a récupéré par sa masse. Elle faisait seulement comme ça. Les ivrognes acclament le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va utiliser ce que tu as. Dieu va utiliser ce que tu es. Dieu est fier de ce que tu as. Dieu sait que tu es ça. Oh, tu n'as pas compris. Acclame, tu es bien le Seigneur. Si elle avait elle était mise comme celles qui sont ici avec des 42, 52. Comment on devait la violer. C'est papa là, ils prennent la bouche, ils prennent le pied. Wala chukua tu mikulu na mikono wanamwangusha. Lakini walikuwa anapigana nao. Dieu peut utiliser ce que nous passons être une faiblesse. Anaweza kutumia ile tunayoona kama ulemavu. J'étais en train simplement de dire que tu es créé à l'image de Dieu. Nilikuwa nasema kwamba uliumbwa. J'étais en train simplement de dire que Dieu ne regrette pas que tu aies cette forme que tu as. Ajoute ukue na ile utu unayo. Alors il y a un pouvoir. Sasa kuna mamlaka. Dans ta forme. Ndani ya ile utu wako. Jouis de ce pouvoir. Na uende kufurahie ile mamlaka. Quatrième vérité. Ukweli wa nne. C'est vaincre l'abus du pouvoir. Ni kushinda hii kuchukua mamlaka yako. Vaincre l'abus du pouvoir. Kushinda kuchukua mamlaka yako na kuitumia vibaya. Jezabel. Yezebeli. C'est l'esprit. Ni roho ambayo. Qui vient. Inakuja. Faire que nous puissions utiliser mal le pouvoir. Tutumie vibaya mamlaka tunayo. Aujourd'hui, on reconnaît. Leo wanajua. Que le pouvoir corrompt. Ya kwamba mamlaka inaleta rushwa. Je suis humble. Niko mnyenyekevu. Si je monte. Na nikipanda. Dieu seul sait. Mungu yeye mwenyewe anajua. Combien de gens? Watu ngapi? Change. Wanabadilika. Selon que l'argent vient. Zidi pesa inakuja. Selon que le pouvoir monte. Zidi mamlaka inapanda. Selon que la grâce monte. Zidi neema inapanda. Vaincre Jezabel. Kumshinda Yezebeli. C'est être aussi à mesure. Ni kuona ile uwezo. De vaincre. Ya kushinda. Ce sentiment qui accompagne la grandeur. Ile hisia inayoongoza ukubwa. C'est facile. Ni rahisi. De demander à Dieu de nous élever. Uombe Mungu atuinue. Mais derrière l'élévation, il y a des vagues, des tempêtes. Lakini nyuma ya ile baraka kunakuwa zoruba nyingi. Vous priez 2 heures de temps. Unaomba saa 2. En train de demander la protection avant de dormir. Ukiomba ukingo mbele ulale. Mais imaginez que demain, lakini one sasa kesho, vous avez à votre garde 20 militaires. Unakuwa na waskari 20 wakikuchunga. Entraîné en Israël. Ambao wamefunzwa ya Israël. Il faut comme ça pouf, ils sautent les murs. Na wanafanya tu tendo moja na wanaruka ukuta. Serez-vous capable de demander encore la protection? Je utakuwa na uwezo wa kuomba tena ukingo wa Mungu. Fermez un peu les yeux, voyez-vous dans 5 ans si vous croyez à tout ce que nous disons et vous dites voilà, funga moi je deviens ceci. Unakuwa ndani ya miaka 5. Et voyez quel comportement vous pouvez avoir. Naone mwenendo gani utakuwa nao. Il y a la réalité de l'abus du pouvoir. Kuna hii ukweli ya kutumia vibaya mamlaka. Aujourd'hui les gens tuent. Watu wanaua. Et la mort devient normale, ça devient une stratégie de règne. Na kifo inakuwa kawaida, inakuwa kama mbinu ya kutawala. Dans les entreprises, il y a des gens. Ndani ya makampuni kuna watu. On ne sait plus le bouger. Hauwezi tena kuwatosha mahali hapo walipo. Tout le monde sait que si nous le bougeons, tutakufa. Kila mtu anajua nikimtosha hapa tunakufa sote. C'est dans nos entreprises. Ndani ya makampuni zetu. Ils sont choisis. Wamechaguliwa. De tuer. Wamechagua kuua. L'habit du pouvoir est attaché à nous tous. Kutumia vibaya mamlaka inaambatana na sisi sote. Je peux abuser du pouvoir que j'ai ici. Naweza kutumia vibaya mamlaka. Parce que maintenant là, si je vous dis vous allez faire ça. Nikisema tu mfanye wote mtafanya. Mais imaginez que je le fasse parce que je veux voir seulement les dents de quelqu'un. Na muone sasa naifanye sababu napenda nione meno ya mtu. C'est mieux si le Saint-Esprit me dit que non, je vais utiliser cette stratégie. Ni vizuri kama Roho ananiambia nitatumia mbinu hiyo. Je peux abuser de ça. Naweza kuitumia vibaya. Il y a de ceux-là qui ont des problèmes de genoux. Kuna wale ambao wana shida magoti. Je peux dire, Dieu me dit tout le monde a genoux. Naweza kusema Mungu ananiambia sote. Si celui qui est à côté de vous n'est pas à genoux, c'est que c'est un envoyé du diable. Kama mtu apige magoti pembeni yako ni kusema ametumwa na shetani. Vous allez vous mettre à genoux. Si mtapiga magoti. Parce que j'ai un pouvoir pastoral. Sababu nakuwa na mamlaka ya kichungaji. Comment j'utilise ça? Lakini naitumia namna gani? On voit aujourd'hui les gens qui, pendant la délivrance, ils sont en train de marcher sur les têtes des gens. Tunaona watu wanatembelea vichwa vya watu ndani ya funguliwa. Qu'est-ce qui se passe? Kuna pitikana nini? Ces gens qui sont en train d'être délivrés, il y a des apôtres. Wale watu ambao wako wanafunguliwa. Il y a des grands missionnaires. Kuna kwa missionaires. Il y a des financiers du royaume de Dieu. Kuna kwa watakao support kazi. Dieu est en train de faire le travail pour sur eux. Anafanya kazi juu yao. Si tu as été sauvé hier. Na kama wewe ulikombolewa jana. C'est hier par rapport à moi. Ni jana kufuatana na mimi. Mais par rapport à l'éternité. Lakini kufuatana sasa na umilele. Par rapport au plan de Dieu. Qui a choisi de naître avant l'autre? Si Dieu voulait, je pouvais être ton ancêtre. Si Dieu veut, je peux aussi être ton enfant. Qui a choisi sa date de naissance? Qui a choisi ses parents? Pourquoi être orgueilleux? Alors les gens tombent, moi je marche sur eux. Ça, c'est l'habit du pouvoir. Et c'est un esprit qui est vivant et présent dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos églises. Dieu va nous élever en fait. Mais comment nous allons utiliser cette position? Comment? L'élévation a une pression. L'élévation fait que quelqu'un change. Kuinuliwa inaacha mtu anabadilika. Tu prends la cuillère. Unakamata ça devient la tasse. Na inageuka tasi. L'élévation. Kuinuliwa. Vous changez les choses. Unabadili mambo. L'élévation. Kuinuliwa. Fait qu'on vous dit bonjour, on asema ndio jambo. Inaacha wanakuambia jambo ndio jambo. Moi je te dis jambo, toi tu dis. Mimi nakwambia jambo kisha unasema ndio jambo. Tu me réponds en anglais. Unanijibu ndani ya Kiingereza. Imepitikana nini? Je te dis bon mimi nataka kukuona. Oh I'm busy. Nakwambia je vais te voir. Depuis quand anglais inaanza kuya hivi? Oh j'ai affaire. Kiingereza imekuja namna gani ndani ya maisha yao? Ça c'est le pouvoir. Combien de fois nous avons abusé du pouvoir? Nous devons vaincre cet esprit. C'est Jézabel. Et nous devons être préparés. Très bien. Vizuri. En tant que des hommes et des femmes qui seront élevés kama vile wanaume na wanawake dans les domaines politiques, dans les domaines scientifiques, ndani ya uwanja wa kisayansa. Pouvons-nous utiliser le pouvoir comme ça de ce doigt? Je, dans vile toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu a élevé des hommes Mungu wa watu pour protéger le faible. Ili awende kawalinde wa quand Dieu t'élèvera, Mungu protège le faible. Wende kawalinde wa Dieu ne nous donne pas le pouvoir Mungu pour tuer. Mamlaka ili tuwe. Il nous donne le pouvoir pour faire vivre. Mamlaka ili tufanye watu Dieu ne nous donne pas les dons Mungu pour humilier. Ili tuweze il nous donne les dons pour valoriser. Mamlaka ili tuweze kusamanisha vitu vingine. Cinquième dimension, c'est vaincre la vengeance démoniaque. Ni kushinda ile kulipiza kisasi sur le chemin de la vie, kwenye njia ya maisha, nous allons apprendre à vaincre la vengeance. Tutajifunza kushinda kulipiza kisasi. Dieu va te lever, Mungu atakuinua, pas pour te venger. Hapana ili ujilipisie kisasi. Jezabel, c'est un esprit de vengeance. Jezebeli ni roho ya kulipiza kisasi. Quand Dieu te lève, tu te venges. Mungu anapokuinua, tu utilises le pouvoir pour faire payer les gens. Unatumia mamlaka yako ili ulipe. Il faut vaincre ça. Inaomba ushinde hii. Vaincre aussi l'idolâtrie. Kushinda pia kuabudu sanamu. Et vaincre l'occultisme. Na kushinda uchawi. En fait, Jezabel, c'est un grand occultiste. Jezebeli ni mchawi mkubwa. Et aujourd'hui, na leo, à l'église, kanisani, à l'université, university, dans le pouvoir, ndani ya mamlaka, vous allez rencontrer la proposition d'occultisme. Utakuta watu wakikuomba ili uende ndani ya uchawi. Il faut le vaincre. Inaomba uishinde. Continue à croire à Dieu. Endelea kumwamini Mungu. Bien-aimé, mpendwa, il y en a même ceux qui sont ici sont en train d'être sollicités pour aller dans l'occultisme. Kuna watu ambao wako hapa wako wanaitishwa ili waende ndani ya uchawi. Mais Dieu t'élèvera. Lakini Mungu atakuinua. Et il faut que tu sois la preuve de Dieu. Na inaomba uwe kitambulisho cha Mungu. Que ce n'est pas le diable qui élève. La Bible dit, Biblia nasema, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Je confesse que Dieu t'élèvera sans les secours d'aucune main. Dieu t'élèvera sans la magie, sans les fétiches. Et le monde saura que le christianisme ce n'est pas de la blague. Ya kwamba ukristo sio mzaha. Que le christianisme c'est un pouvoir. Ya kwamba ukristo ni mamlaka makubwa. L'occultisme est là. Uchawi uko. On a aujourd'hui des pasteurs occultistes. Leo tunakuwa na wachungaji wachawi. Des professeurs occultistes. Tunakuwa na wa professeurs wachawi. Des politiciens occultistes. Wanasiasa wachawi. Et ils adorent les diables. Ils adorent les démons. Mais la religion de l'occultisme, ça s'appelle la religion de Jézabel. Laissez-moi vous parler de l'origine de Jézabel. Avant de vous parler de l'espace où Jézabel agit. Mbele ni wambie juu ya eneo ambao Jezebeli anatumikia. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amen. Jezabel, Jezebeli, c'est la fille ni binti du roi de Sidon. Wa mfalme wa Sidona. Et le roi à ce moment-là, na, mfalme kwa wakati ule, dans la culture sidonienne, ndani ya asili ya wa Sidona, le roi était aussi le chef de la religion. Mfalme alikuwa anasimamia pia dini. C'était un peu comme les cultures que nous avons, les coutumes que nous avons. Ni kama vile asili na mila tunazo. Chaque chef coutumier, kila mwami, il a le pouvoir de guerre, anakuwa na uwezo wa vita, le pouvoir politique, anakuwa na uwezo wa kisiasa, mais il est aussi le prêtre de la tribu. Lakini pia anakuwa ni kuhani wa ile kabila. Il fait des sacrifices. Anafanya mazabihu. C'était ça le roi de Sidon. Hii ndio aliyekuwa mfalme wa Sidon. Il était prêtre de Baal. Alikuwa ni kuhani wa Baal. En tant que prêtre de Baal, kama vile kuhani wa Baal, il était plongé dans l'occultisme. Alikuwa amejiingiza ndani ya uchawi. Et la religion Baal et Astarté. Na hii dini ya Baal na Astarté. Parce que Baal et Astarté marchent ensemble. Sababu Baal na Astarté wanatembea pamoja. En fait, Astarté c'est la mère femme de Baal. Astarté ni mwanamke mama wa Baal. C'est pourquoi on appelle cette religion religion mère enfant. Ndio maana wanaita dini hii dini mama mtoto. Religion mère enfant. Dini mama mtoto. Cette religion a commencé avec Nimrod. Dini hii ilianza na Nimrod. Nimrod c'est le premier homme. Nimrod ni mtu wa kwanza. Pour qui on a commencé à parler de la puissance. Ambao walianza kuzungumzia uwezo. Quand vous lisez dans Genèse. Unaposoma ndani ya kitabu cha Mwanzo. Nimrod. Wanasema kwamba c'est l'homme qui devient le vaillant. Ni mtu ambaye aligeuka shujaa. Chasseur. Aligeuka shujaa ndani ya kuwinda. C'est le premier homme qui commença à devenir puissant. Ni mtu wa kwanza aliyeanza kuwa na uwezo. Mais il n'est pas devenu puissant par Dieu. Lakini hakuwa na uwezo kupitia Mungu. Il est devenu puissant par l'occultisme. Alikuwa na uwezo kupitia uchawi. C'est le premier humain. Ni mtu wa kwanza qui a commencé à faire des contrats avec le diable. Ambaye alianza fanya mapatano na shetani. Pour avoir le pouvoir. Ili apate mamlaka. Il s'appelle Nimrod. Anaitwa Nimrod. Et Nimrod, na Nimrod était la personne alikuwa mtu yule quand son père est mort, ambaye baba yake alipokufa, sa mère mama yake est devenue sa femme. Akakuwa mke wake. Nimrod est mari de sa mère. Nimrod ni mume wa mama yake. Après la mort kisha kifo de son père. Cha baba yake. C'est ça l'origine de cette religion. Hiyo ndio chanzo ya dini hii. Et Jezabel, na Jezebeli, c'est la fille héritière ni binti anayerizi de cette religion. Dini hii. Elle incarnait en elle Nimrod. Ndani yake alikuwa anaonyesha Nimrod. Le premier occultiste. Umchawi wa kwanza. En fait, l'occultisme c'est quoi? Uchawi ni nini? C'est un courant. Ni ile wakati unaofika. Qui utilise la connaissance. Ambao inatumia ujuzi. Et les capacités naturelles. Na hii uwezo wa kikawaida. Qu'il développe par le diable. Ambao inaendeleza kupitia shetani. Et en opposition à Dieu. Na ikipingana na Mungu. On peut être en train de croître dans la connaissance. Unaweza kuwa ukikomaa ndani ya ujuzi. Pour prouver que Dieu n'existe pas. Ili uonyeshe kwamba Mungu haipo. Ce n'est pas mal d'avoir la connaissance. Mais le premier piège qui a plongé l'humanité là où elle est, c'était la soif de la connaissance. Le diable a dit à la femme, si vous mangez ces fruits, vous serez comme Dieu. Vous allez avoir la connaissance. C'est ça l'origine même de l'occultisme. C'est une sorte de magie inakuwa kama vile ufu qui se replie dans le domaine de la connaissance. Ambao inajiingiza ndani ya hii uwanja. Et vous allez voir quelqu'un il dit ce sont des livres. Na utaona mtu akikwambia hii ni vitabu. Je suis en train de me cultiver. Niko nasoma tena sana. Mais comment se fait-il que na inafanyika namna gani? Quand tu te cultives, wakati unasoma, tu commences à faire des concentrations. Unaanza kujikaza ndani ya masomo. Tu commences à vider ton esprit. Unaanza kutoka ndani ya roho wako. Tu fais le vide de ton esprit. Na unafanya roho yako ikuwe wazi. Qui vient occuper ton esprit à ce moment-là? Na hii roho ile ingono roho inakuja kutawala roho yako kwa sasa. Ce sont des esprits méchants. Inakuwa ni maroho chafu. C'est différent du Saint-Esprit. Inakuwa tofauti na roho mtakatifu. Dieu n'a jamais dit que nous puissions vider notre esprit. Mungu hajasema kwamba tuondoe mambo yote ndani ya akili yetu. Non. Hapana. Il vient travailler en nous. Anakuja kutumika ndani yetu. Il n'a pas besoin que nous ne soyons pas nous. Hana haja tusikue sisi. C'est pourquoi je peux parler à langue. En train de vous voir. Parce que je n'ai pas besoin de vider mon intelligence. Ça, c'est le domaine du diable. L'apôtre Paul dit ceci. Je prierai en esprit. Je prierai aussi par l'intelligence. Alors l'occultisme, c'est une réalité qui commence avec Nimrod. Et ce qu'il a fait, il a construit la tour de Babel juste pour faire un contrepoids à Dieu. Bien-aimé, on ne s'oppose pas à Dieu. Tu peux être sorcier. Tu peux être occultiste. Tu peux même avoir tué des pasteurs. Tu peux même avoir causé la fermeture des églises. Mais la réalité, c'est que l'on ne se moque pas de Dieu. Les hommes et les femmes que tu as pris dans ton piège, ce sont des hommes limités, nés de femmes. Mais ils servent un Dieu illimité. Tu es un enfant d'hier. Tu ne sauras pas arrêter l'Éternel. Tu peux arrêter Christophe. Tu peux arrêter une église. Mais il y a un Dieu qui n'est pas Dieu à cause de ces pasteurs-là. Dieu n'est pas Dieu à cause de moi. Si je tombe, Dieu reste Dieu. Si je meurs, Dieu reste Dieu. Que je sois riche ou pauvre, Dieu reste Dieu. Et voilà un occultiste. Il met sur son compte des réussites. Mafanikiu. Moi j'ai fermé une église. Mimi nilifunga kanisa. Mais l'église n'est pas un bâtiment. Lakini kanisa sio jengo. Même un homme de Dieu. Hata mtumishi mmoja. Il a osé être dans cette confusion. Alipima kuwa ndani ya mchanganyiko. Il dit je suis resté le seul prophète. Anasema nimebaki nabii mmoja. Ah, non, Mungu anasema hapana, hapana. Il y a 7000. Kuna kuwa wengine wanabii. Je dis à un occultiste. Kuna mtau mmoja. Si tu as fermé une église. Wewe mtau kama umefunga kanisa. Si tu as tué des prophètes. Kama uliwaua manabii. Il y a encore réserve. Kuna kuwa imebaki ya Mungu. Il y a un Dieu stratégique. Acclame ce Dieu. Il ne manquera pas et reste. Il ne manquera pas et reste. Et je suis en train de voir un reste de l'Éternel. Un reste de l'Éternel. Des pasteurs qui ne trahiront pas la race des élus. Des chrétiens. Des hommes d'affaires qui resteront intègres. Même quand tout le monde sera corrompu. Il y a des gens qui disent. Dans la politique, on ne peut pas connaître Dieu. Bien-aimé, il y a des politiciens qui prient plus que nous. Ils sont dans le gouvernement. Ils craignent Dieu. Ce sont les restes. Dieu ne manquera jamais de reste. Offrons-lui une acclamation. Le Dieu qui ne manque jamais de reste. Oh mon Dieu, il a toujours ces gens. Il a toujours des hommes cachés. L'occultisme, c'est une réalité dans la société. Combien d'étudiants sont sollicités ici? Combien de commerçants? Aujourd'hui, vous devez vaincre cette bataille. Voilà les origines. Alors, cette religion s'appelle religion mère et enfant. Parce que dans cette religion, les dieux s'appellent Baal et sa femme s'appelle la déesse Astarté. Mais cette déesse Astarté, c'est aussi la déesse de la fécondité. Suivez-moi très bien. Alors cette déesse de la fécondité domine Baal parce que c'est elle qui prétend être la créatrice. C'est elle qui donne la vie et donc c'est elle l'origine. Quand vous voyez Jézabel, ne voyez pas une femme. Jézabel, c'est toute une doctrine. Jézabel, c'est toute une culture. Jézabel, c'est toute une science. Jézabel, c'est toute une religion. Jézabel, c'est tout un esprit. On ne peut pas parler de Jezabel un jour. Mais j'essaie de donner l'essentiel. Quels sont les espaces de Jezabel? Il y a cinq espaces d'action de Jezabel. Jezabel opère dans la famille. Et quand il est dans la famille, il travaille sur le renversement des forteresses. Et la destruction des valeurs. Na kubomoa ile fasila nzuri ndani ya watu. Bwana asifiwe. Amina. L'esprit de Jezabel. Roho wa Yezebeli. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui. Ni ule wanayemuita leo. Dans le domaine de la science. Ndani ya uwanja wa sayansi. On parle de la du féminisme. Wanazungumzia uke. Je ne suis pas contre les genres. Si mimi sikatai kuwa mume ama mke. Mais le genre doit se réaliser dans la volonté de Dieu. Lakini inapaswa kutumiwa ndani ya mapenzi ya Mungu. Personne n'a choisi son sexe. Hakuna mtu aliyechagua jinsia yake. Et derrière chaque sexe. Na nyuma ya kila jinsia. Il y a des réalités. Kuna ukweli. Je suis un homme. Mimi ni mume. La barbe peut pousser. Na ndevu inaweza kuota. Je suis un homme. Mimi ni mwanaume. Je dois affronter des combats. Napaswa kupambana na vita. Alléluia. Amina. Vous êtes une femme. Wewe ni mwanamke. Vous avez votre menstrualité. Unakuwa na enzi lako ama kutoka damu kila mwezi. C'est lié à votre nature. Vous ne pouvez pas refuser. Unambatana na utu wako na huwezi kukataa hiyo. Quand vous avez une grossesse. Unapokuwa na mimba. C'est 9 mois. Inakuwa miezi 9. Et cette grossesse. Na hii mimba. Peut vous interdire de travailler. Inaweza kukuzuiza ili usitumike. Et donc, ce n'est pas moi qui vous interdis de travailler. Et si vous ne travaillez pas, parce que vous avez la grossesse, vous n'êtes pas inférieur à celui qui travaille. Parce que vous êtes en train de donner la vie. Le diable aujourd'hui, il est en train de renverser les fondements de la vie. La Bible dit ceci. Quand les fondements sont ébranlés, les justes, que fera-t-il? Atafanya nini? Aujourd'hui, nous sommes dans la bataille de renversement de fondements. Quand la femme renonce à sa féminité, la société va mourir. Le féminisme aujourd'hui ravage le parlement, ravage la famille, ravage l'État, ravage même l'Église. Quand la maman est entrée dans l'été, il y a une affection kuna upendo qui est transmise ambayo inapitia par le regard de l'enfant kupitia ile macho ya mtoto. Ça c'est naturel. Hii ni kawaida. La science ne peut pas jouer ce rôle. Na sayansi haiwezi kuonyesha mambo haya. La science peut faire tout. Sayansi inaweza fanya yote. Pour avoir des enfants même par incubation. Ili wapate watoto wakiwaweka ndani ya les enfants hors ventre de la mère. Watoto ambao wako nje ya tumbo la mama. Nous disons merci pour l'élévation, l'évolution de la science. Unasema asante kwa ajili ya maendeleo. Mais il y a une chaleur humaine que la machine ne peut pas donner. Il y a un amour que la machine ne peut pas donner. Alors quand la mère fait tout pour se battre avec l'homme et abandonner aussi cet aspect, ce sont les valeurs et les fondements qui sont renversés. Et ne nous étonnons pas que dans quelques années on ait des Al-Qaïda partout. Parce qu'il y aura des gens qui n'ont pas d'amour. L'amour ne s'enseigne pas. L'amour se communique. Et on le reçoit déjà quand on est petit enfant. Il y a des gens qui ont du mal à dire papa. Parce qu'ils n'ont jamais eu un père pendant leur enfance. Même quand il est chrétien ici, il a du mal à concevoir un papa. Parce que ça ne s'enseigne pas. Ça se transmet naturellement. Alors Jezabel, il détruit la famille. La mère mama devient le père. Baba. Et c'est Jezabel, na Jezabel qui conduit la famille, jama, qui conduit la nation. Taifa. Pas par amour, apana kwa upendo, mais par imposition. Lakini akijingiza kwa nguvu. Voyez le père est en train de dire, oh non, ce projet-là est difficile. Unaona baba akisema mradi huu ni ngumu kabisa. Et toi là, tu es fatigué. Reste en train de manger, moi je m'occupe de ça. Acha kisha kula mimi naifanya. Et le soir, il revient. Na mangaribi anakuja. Et dit, on vient de tuer Naboth. Anasema tumemua Naboth. Parce que je voyais que tu avais besoin de ce terrain-là. Tu peux maintenant. Sababu niliona ya kwamba ulikuwa na haja uwanja. Unaweza. Et les enfants ils disent, mais c'est papa ou c'est maman? Sasa ni baba ni mama. Voyez la répercussion. Simunaona hii marudilio. Parmi les filles. Miongoni mwa wabinti. De Akab. Wahabu. Il y a une fille qu'on appelle Nathalie. Kuna binti wanaomuita Nathalie. Qui était une reine. Ambaye alikuwa ni malkia. Et son mari est mort. Na mume wake alikufa. Elle a tué ses propres enfants. Na akaua yeye mwenyewe watoto wake. Pour rester au pouvoir. Ili abaki kwa mamlaka. Elle était incapable. Alikuwa hana uwezo. De voir son enfant régner sur le trône. Kwa kuona mtoto wake atawale kwenye. Ça c'est l'esprit de Jezabel. Hii ni roho wa Yezebeli. Si tu es parent ici. Kama wewe ni mzazi mali hapa. Ta fille est bien habillée. Binti wako tu es jaloux. Unajisikia. Tu es sous l'esprit de Jezabel. Kwa chini ya hii roho wa Yezebeli. Jezabel veut régner seule. Yezebeli anapenda atawale yeye mwenyewe. Même son enfant non. Hata mtoto wake hapana. Même son mari non. Hata mume wake. Si tu es une femme aujourd'hui. Kama wewe ni mwanamke leo. À un moment donné. Kwa wakati fulani. Tu ne sens pas supporter la gloire de ton mari. Haujisikia kivumilia utukufu wa mume wako. Kwa kweli. Vous devez sentir l'autorité de votre mari comme une bénédiction. Unapaswa kusikia mamlaka ya mume wako kama baraka. Parce que c'est un cercle vicieux. Sababu inakuwa ni mzunguko. Vous vous soumettez à un homme qui vous aime. Unatii kwa mwanamume ambaye anakupenda. Même si la science. Hata kama sayansi. Va promouvoir les genres. Itainua hii uke. Va parler du féminisme. Itazungumzia uke. Bien aimé, la vérité de Dieu reste la vérité. Mpendwa ukweli wa Mungu na baki ukweli. Il a dit femme. Alisema soyez soumises à vos maris. Mutii wa ume wenu. Mari aimez vos femmes. Wanaume mpendwa. Afin obéissez à vos parents. Na watoto muwatii wazazi. Il dit aux enfants. Anasema kwa watoto. C'est ce qui va vous permettre. Hii ndio utakayo. De vivre longtemps. Ili muishi siku nyingi. Vivre longtemps. Muishi siku nyingi. Ne suffit pas. Haitoshi. Ou alors vous n'avez pas besoin. Ama hauna hitaji. De faire le sport. Ya kufanya mazoezi. Pour vivre longtemps. Ili uishi siku nyingi. Il y a des sportifs qui sont morts avant le temps. Wafanya mazoezi. Même si vous savez bien manger, vous prenez 2 litres d'eau chaque jour, vous mangez des fruits chaque jour, vous faites du sport, vous mangez des légumes, tout ce qu'on nous balance là sur WhatsApp, vous allez mourir si les parents n'ont pas sa place. Et pendant ce moment, le Parlement est secoué pour voter des lois que l'enfant peut acquiser son père. C'est ce qu'il y a en Europe. Aujourd'hui, nous les imitons. Mais ils sont dans la mort. Ils sont en train de dire, ne mettez pas au monde. En Afrique du Sud, il y a des affiches. Kuna vile vikaratasi ubao avortement facile. Unasema kuporomosha kwa la loi. Urahisi. Inachaguliwa ndani ya sheria. Pourquoi on doit avorter? Sababu gani utaporomosha? Parce que l'enfant. Sababu mtoto. Ne permet pas qu'on travaille. Hata ruhusu utumike. On est dans la compétition. Unakuwa ndani ya magombezi. Et on accepte l'avortement. Na unakubali kuporomosha. Combien ont avorté ici? Watu ngapi wameporomosha mimba hapa? En Europe? Ulaya. La famille, deux enfants, un enfant. Watoto mbili, watoto moja. Et vous savez ce que les musulmans vont dire, Odi? Na mnajua waislamu watasema nini? Dans 20 ans, ndani ya miaka 20, l'Europe est à nous. Ulaya ni yetu. Et ils ont déjà aujourd'hui un gouverneur, na un maire de la ville. Ils sont en train na de wanakuwa na liwali na meya wa mji. Ces gens-là, sababu watu ils utilisent la loi naturelle. Wanatumia kawaida na desturi. Wanakutanisha pesa. Ils cherchent des hommes forts. Wanatafuta watu wenye nguvu. Allez marier ces blancs-là, ils ne veulent pas se marier. Anasema mwende muoane na wale wazunga wapendi kuzaa. Quand ils mettent au monde, ce sont des musulmans. Muwazalishe na wanapozaa wanakuwa ni waislamu. Entre temps les chrétiens. Na kisha wakristo. Avorte. Wanakuwa kiporomosha. Qui va mettre au monde 10 pourvu que l'évangile avance. Là, je sens que vous me dites au nom de Jésus. Que ça échoue. Ok, nous allons gérer les naissances. Mais nous n'allons pas avorter. Qui est d'accord avec moi? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et ne vous étonnez pas. Msishangae. J'étais à Kampala. Nilikuwa Kampala. À Nairobi. Nairobi. Il y a plus de 200 personnes qui vont dans les cas de réfugiés qui vont en Europe. Wanaoendea ndani ya kambi za wakimbizi ili waende Ulaya msishangae. Dans les quelques années, ndani ya miaka kidogo Europe et Afrique. Hakutakuwa Ulaya na Afrika. Ba tutawale tume dans les temps qui viennent. Il règne sur nous mais dans les temps qui viennent. Les amis sont en train de prendre possession parce qu'il y a des lois naturelles. Wanachukua ile miliki. Quand vous refusez de mettre au monde. Unapokataa hii. Les gens qui mettent au monde vont vous dominer. Watu wanaoza watawala. La Chine aujourd'hui c'est une puissance. China leo ni uwezo mamlaka kubwa. Parce qu'ils sont en train de régner par le nombre. Sababu wanatawala kupitia hesabu yao. La Bible dit que les justes se multiplient. Biblia nasema wenye haki wanapoongezeka. Inchi nakuwa ndani ya furaha. Jezabel est en train de dominer l'église. Jezebel anatawala kanisa. Dans l'église, qu'est-ce qu'il fait? Ndani ya kanisa anafanya nini? Il tue les vrais prophètes. Anaua manabii wa kweli. Et il va promouvoir le faux prophète. Na anawainua manabii wa uongo. C'est un esprit qui a saisi même beaucoup de chrétiens. Ni roho iliyowachukua wa Kristo hata wengi. Vous allez être surpris. Mtashangaa. Qu'il y a un pasteur occultiste. Kuna mchungaji mchawi. Un passant, on ne le connaît même pas. Anakuwa akipita na watu hawamjui. Et puis quelqu'un l'a offert sa voiture. Na kisha mtu akamtolea gari lake. Entre-temps, il ne l'a jamais fait pour un serviteur de Dieu qui est fidèle. Itapokuwa aje ifanyia hata mtumishi wa Mungu ambaye ni mwaminifu ambao mnamjua. Vous avez même la capacité d'aller vérifier comment il vit chez lui. Una uwezo wa kwenda kuchunguza hata anaishi nyumbani kwake. Vous avez même la capacité de le surveiller. Una uwezo hata wa kumchunguza. Mais celui que vous ne connaissez pas. Lakini sasa ule ambaye hujui. Vous investissez à lui. Unawekeza ndani yake. Ce n'est pas mal si l'esprit vous pousse. Sio vibaya kama roho inakusukuma. Mais il y a l'esprit de Jezabel. Lakini kuna roho ya Jezebel. Qui agit même dans l'église. Ambao natenda hata ndani ya. On veut persécuter les justes. On veut persécuter ceux qui sont du côté de la vérité. Et promouvoir les méchants. Que Dieu nous délivre de cet esprit au nom de Jésus. C'est vrai dans nos familles. Nous récompensons qui? Parfois les gens qui sont fidèles, nous ne les avons jamais encouragés. Vous êtes chef d'entreprise. Avez-vous encouragé les gens fidèles? N'avez-vous pas fait la promotion des antivaleurs? Alléluia. Amina. On n'élève pas celui qui a tué. On n'élève pas celui qui a violé. Ça tue les valeurs. Quelle est l'action de Jézabel? Jézabel cherche à promouvoir ceux qui n'ont pas de valeurs et à détruire ceux qui ont les valeurs. Sommes-nous capables d'encourager les gens qui ont des valeurs? Il y a des autorités. Il peut quitter le pouvoir. Et quand il quitte le pouvoir, il n'a rien. Parce qu'il n'a pas volé. Et nous allons dire, vous voyez, il était gouverneur. Il n'a rien. Il n'a chindwa. Il a échoué. Et celui qui a tout, au dos du peuple, nous l'acclamons. Tu aimes qui? L'influence de Jézabel, c'est tuer les prophètes et promouvoir le faux. Il amène les faux prophètes manger à la table royale. Pendant que les autres, le vrai prophète de l'Éternel, sont poursuivis, chassés, qui mange à ta table? Qui mange à ta table? Où est-ce que tu amènes ta dîme? Qui participe à tes anniversaires? Où est-ce que tu fêtes tes anniversaires? Si tu es élu par Dieu et tu veux aller avec Dieu très loin, tu dois vaincre la bataille de Jézabel. Jézabel tue les bonnes personnes. Je parle à un chef d'entreprise. As-tu déjà encouragé les gens qui sont fidèles au travail? Ou tu encourages ceux-là avec qui vous prenez la bière? Qui sont tes amis? Ceux qui t'amènent des cadeaux. Tu n'as même pas le temps de voir celui qui est toujours fidèle au poste. Toujours attend au travail. Tu ne l'as jamais encouragé. Mais ceux-là qui ont amené des biens, ceux-là avec qui vous êtes allés à faire le bien, oh non, c'est mon ami. C'est l'esprit de Jézabel. Jézabel est présent. Jézabel dans l'église. Dans la nation. Dans les entreprises. Dans la publicité. Dans quand vous voyez, même la publicité d'une moto Honda, on montre une femme nue. Je ne sais pas si la nudité veut dire la vitesse. Bientôt là, les faux pasteurs vont commencer à faire des affiches avec un visage de femme. Qui dit venez. Et puis on montre une partie de sa poitrine. Venez. Regardez les publicités. Toutes ces femmes. C'est un esprit. Et les gens qui sont derrière ces choses sont tellement conscients. Ils savent. Ouvrez seulement Google. Google. Vous allez voir des images qui viennent. C'est des femmes. Je ne dis pas que la femme, c'est un problème. Mais le diable veut utiliser ça. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il est dans la nation. Taifa. Parfois, les gens qui sont au pouvoir mara watu ambao wako kwenye utawala n'exercent pas l'autorité. Hawana mamlaka. C'est exercé par certaines personnes. Inatumiwa na watu fulani. Mais je suis en train de déclarer lakini niko natamka que toi, tu règneras. Ya kwamba wewe utatawala. Tu exerceras le pouvoir utatumia que Dieu te donne. Mamlaka Mungu anayokupatia. Parce que le pouvoir que Dieu te donne mamlaka Mungu anayokupatia n'est pas un pouvoir pour intimider les gens. Sio mamlaka kwa kuwaogopesha watu. C'est un pouvoir pour accomplir la mission. Ni mamlaka kwa kutimiza kazi. Que ton pouvoir bâtisse. Mamlaka yako ichi. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Dieu dit à Jérémie, je te donne le pouvoir d'arracher, de détruire afin de bâtir. C'est vrai dans la science. Et c'est vrai dans l'autorité. Laissez-moi clôturer à vous parler des cibles de Akab. Jézabel poursuit 5 personnes. La première personne, c'est le roi. En tant que femme, elle veut prendre le pouvoir de son mari. Si tu as soif de dominer ton mari, sa cause. Tu es sous l'influence de Jézabel. Et tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Répands-toi. Reviens au Seigneur. Dieu a dit, l'homme c'est la tête de la famille. Soumets-toi à l'ordre de Dieu. Il y a la vie dans tout ce que Dieu dit. Il y a la mort dans tout ce que Dieu n'a pas dit. Jézabel prend le pouvoir de son mari. Jézabel usurpe le pouvoir. Deuxièmement, Jézabel infiltre l'autorité. Ce soir, nous voulons prier pendant quelques minutes. Prions pour les autorités que Dieu nous a données. Parce que Jézabel cherche à tuer les lampes. Nous devons prier pour les têtes de nos familles. Les têtes de nos églises. Je ne peux pas faire ma prière. Même si c'est 2 minutes. Sans prononcer le nom du pasteur. Sans prier pour lui. Dans chaque minute que je prie, il a une portion. Parce que si le diable l'infiltre, je ne vais pas échapper. Prie pour ton pasteur. Prie pour le responsable de la famille. Prie pour le président de la République. Prie pour le gouverneur. Parce qu'ils sont là. Même si tu n'es pas d'accord avec eux, leur autorité t'influence. Tu ferais bien de prier pour eux. Parce que la première cible de Jézabel, il attaque les lampes. Et il y a un général de David qui disait, David, tu n'iras plus à bataille. Parce que si la flèche t'atteint, nous tous nous sommes nuls. Il y a des gens qui font la gloire de la maison. Il y a des gens qui font la gloire de l'église. Il y a des gens qui font la gloire de la famille. Il y a des gens qui font la gloire de la nation. Prions pour ces gens-là. Jézabel les attaque. Il attaque le prophète. Le prophète, c'est celui qui dit de la part du Seigneur. C'est celui qui ramène le peuple au fondement. C'est celui qui restaure l'autel de Dieu. Il est victime de Jézabel. Prions pour ces gens-là. Si tu es un prophète, tu rencontreras Jézabel. Mais vous savez, chaque prophète doit mourir. Mais la mission continue. Savez-vous que celui qui devait continuer la mission d'Élie, il s'appelle Jean-Baptiste. Sa tête a été coupée par une femme. Parce que cette femme-là devait poursuivre la mission de sa mère. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Mais nous luttons contre les principautés, les autorités. Il y a des batailles qui sont spirituelles. Jézabel, c'est un esprit. C'est pourquoi la Bible dit il faut combattre l'esprit de Jézabel. Cet esprit-là est dans l'église. Il est tue les prophètes. Il tue les vrais. Quand on critique un homme de Dieu, quand on n'aime pas un homme de Dieu, vérifie très bien. C'est possible que ce soit l'esprit de Jésus. Si tu es un Jean-Baptiste, sois prudent. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas continuer. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais prendre 5 minutes. Tu inclines ta tête dans la prière. Tu pries seulement pour les hommes que Dieu a élevés. Tu dis, Seigneur, préserve-les de l'influence de l'ennemi. Garde-les en toi. Et j'aimerais que quelqu'un qui sent qu'il a perdu son pouvoir dans tel ou tel autre domaine, tu vas t'élever là où tu es. Je vais faire une prière pour toi. Tu sens que Jézabel agit et l'autorité que tu as n'existe plus. Merci pour ceux qui s'élèvent. Commençons à prier. Prie pour le père de ta famille. Prie pour le pasteur de l'église. Prie pour le président de la nation. Prie pour les responsables du parlement. Il y a des lois qu'il va voter. Ça va nous affecter. Prie pour tous ceux-là qui ont l'influence sur ta vie. Et prie pour le territoire là où Dieu t'a placé. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Prions le Seigneur.